Bonjour et bienvenue sur votre émission mensuelle Historia Nancy, le journal par et pour les étudiants de Nancy. L'actualité, la culture, ensemble, nous vulgarisons l'histoire pour la rendre accessible à tous. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mois de juillet pour une émission avec Historia Nancy, avec notre équipe de choc. Et on va commencer par la rédactrice en chef de ce journal. Bonjour à toi Anaïs. Hello. Comment ça va? Ça va super, quel bon mois de juillet. Moi je suis contente de commencer sur les chapeaux de roue comme ça, avec ce beau temps et cette petite émission bien sympa. Et oui, franchement, on a hâte d'avoir le soleil et il fait beau dehors. Et puis avec nous aujourd'hui, bien évidemment, un passionné de sport, je veux bien sûr parler de Louis. Bonjour Louis. Bonjour. Comment vas-tu l'ami? Ça va super et toi? Bah écoute, ça va, ça fait plaisir de t'avoir parmi nous. Ça me fait plaisir aussi. Et puis alors, il m'a laissé sa place au micro aujourd'hui, je sais pas, il était peut-être un peu fatigué ou c'est la perspective des vacances, c'est Théo. Bonjour Théo. Salut mon acolyte préféré, ça va? Bah écoute, ça va bien, hein. Je suis content de t'avoir avec nous aujourd'hui, ça me fait plaisir que tu m'aies laissé la place un petit peu. Eh bah oui, il faut bien laisser des rênes, comme on dit dans le milieu. Hein. Allez, on continue en musique hein, avec une musique que je te laisse le temps de citer. C'est quoi? C'est Vive les Vacances de Gérard Lenormand. Et bah on va écouter ça. Chaque jour, on s'envoie en l'air, mais ce qui est super, c'est qu'on reste en l'air entre deux mamours. J'ai balancé mon stylo radio et ma montre à quartz, adieu les gadgets. On se fait la joie, youpi, alors on se jette. Vive les vacances, vive les vacances, les souris dansent, vive les vacances, et l'on ne pense, vive les vacances, qu'à ça en France. Et après Vive les vacances, parce que nous sommes en vacances, cette magnifique chanson de Gérard Lenormand, nous allons enchaîner. Alors, sur quelque chose qui est sur l'esprit des vacances, sur ma chronique, nous allons parler du Tour de France, l'événement, le troisième événement le plus suivi au monde pendant le mois de juillet. Les belles routes de France, la chaleur. Et cette année, ça sera vraiment un vrai Tour de France, vu que le grand départ aura lieu à Lille. À Lille, grand métropole, avec un parcours autour du Nord-Pas-de-Calais pendant 3 jours. Et puis, petit à petit, le Tour de France va aller vers l'Est, avec une première arrivée importante pour les favoris du classement général, avec l'arrivée à Mur de Bretagne, où s'était imposé en 2015 un Français, Alexis Villarmaud. Et puis, donc après quelques étapes de transition, les coureurs du classement général vont devoir, pendant la deuxième semaine, s'attaquer aux Pyrénées. Alors, juste avant, il y aura une ascension dans l'Auvergne, avec l'ascension du Mont d'Or jusqu'au Puy de Sancy. Et puis, après, il va falloir aller vers les routes d'Otacam, Péragude, où s'était imposé Romain Bardet en 2017 face à Fabio Aru et Christopher Froome dans un duel de légende. Et après, il faudra aller, lors de la 14e étape, à Luchon, Super Bannière. Un gros programme dans les Pyrénées, mais ce n'est pas tout. Après la deuxième semaine de ce Tour de France, les coureurs du classement général, pour savoir qui réussira à emporter le maillot jaune sur les Champs-Élysées, vont devoir affronter un parcours vraiment extraordinaire avec le retour du fameux Mont Chauve, le Mont Ventoux, avec ses passages parfois à plus de 15%, le Mont Ventoux qui est vraiment un énorme mont près des Alpes. Et puis, il va falloir enchaîner avec la montée vers le col de la Loz et Courchevel, et puis la montée entre Albertville et la Plagne, deux arrivées au sommet qui pourront vraiment départager les favoris au classement général. Pour terminer, la traditionnelle arrivée vers les Champs-Élysées avec un départ de Mantes-la-Ville, mais une particularité, héritage des Jeux Olympiques, avec un passage 3 fois par la butte de Montmartre, rue Lepic. On se souvient de ces scènes de folie, de liesse, de tous les supporters qui s'étaient réunis sur les routes. Un peut-être juge de paix pour le classement général si c'est serré, et un calvaire pour les sprinteurs qui d'habitude arrivent aux Champs-Élysées et se jouent les victoires d'étape. Deux grands favoris se dégagent pour ce Tour de France, le Slovène Tadej Pogacar qui rafle tout sur son passage et Jonas Vingegaard, le Danois, qui va tenter de jouer les troubles faites. Pour finir, il faudra compter sur les éternels outsiders que sont Remco Evenepoel, le jeune Belge qui pourrait tenter de batailler pour le général, et Primoz Roglic, l'autre Slovène. Et nous allons enchaîner avec une musique de Inoa, Seven Heaven. Oh, won't you stay for the ride? Cause all the views will be nice. Lend the stories that we'll tell our friends. We'll make him laugh until the party ends. Oh, won't you stay for the ride? It's too all tight. The sun is standing to 11. We'll make a jump to 7 heaven. For the ride. Get that far, yet still I'm pushing. Won't you stay for the ride? Cause all reviews will be nice. Let the stories that we'll tell our friends, we'll make them laugh until the party ends. Oh, won't you stay for the ride? It's do or die. This turn is setting to 11 and make it just a Voilà, après avoir parlé du mois de juillet qui sera animé par le Tour de France. Vous suivez d'ailleurs, cher chroniqueur, un petit peu le Tour de France ? Oh oui, de loin, quand c'est la fin, qu'il y a les sprints, les attaques, tout ça. Sinon, c'est un petit peu long. Anaïs, le Tour de France, toi ? Alors moi, c'est un peu pareil. Après, j'ai un père qui adore le vélo, vraiment, c'est sa passion. Donc, je suis un peu obligée de suivre. Mais j'avoue que c'est parfois un bon moment, parfois je m'endors. Mais j'aime bien quand même. Et toi, mon Théo ? Eh bien, écoute, moi, je suis le Tour de France. Je suis fan même des paysages, de tout, de l'ambiance. Et oui, avec l'excellent... j'ai plus son nom avec le présentateur du patrimoine, Franck Ferrand, l'excellent Franck Ferrand qui nous raconte un peu l'histoire du patrimoine. Maintenant, on va passer un petit peu à un petit côté cool, détente, on va aller à la playa, on va se détendre avec Anaïs qui va nous parler des hits de l'été. Et oui, parce que vous le savez, chaque été, une poignée de chansons s'imposent dans nos playlists, les soirées, les clubs et les ondes radio. Ce sont les fameux hits de l'été, ces morceaux qu'on chante en boucle, qui collent à la peau des vacances et laissent une empreinte sonore durable sur nos souvenirs estivaux. Moi j'adore perso, je sais pas vous, mais j'adore ça. Mais qu'est-ce qui fait un bon hit de l'été et pourquoi ce phénomène revient-il chaque année ? Eh bien, je dirais que le hit de l'été, c'est pas une chanson populaire, en fait, c'est un véritable phénomène culturel. Il naît souvent au printemps, il explose en juin et atteint son apogée en juillet et août, porté par les radios, les plateformes de streaming, TikTok ou les festivals, il devient la bande-son de nos étés. Les ingrédients sont bien connus, un rythme dansant, souvent reggaeton, pop, afrobeat ou électro ou même latino, un refrain accrocheur, des paroles légères voire répétitives et un clip solaire tourné sur une plage ou dans une ambiance festive. C'est souvent la fête quoi. L'objectif, donner envie de danser, de chanter, de se relâcher, en somme, capturer l'esprit des vacances. Il faut savoir que les tubes de l'été n'existaient pas avant les années 60, c'est Surfing USA, les Beach Boys qui devient le premier hit de l'été international en 1963. Il est impossible de parler de l'été sans évoquer quelques tubes qui ont marqué les dernières décennies. Je pense d'abord à Dracosta d'Intei de Ozone datant de 2004 ou encore If Don't Lie de Shakira en 2006, le grand Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee en 2017 évidemment, avec un record mondial de vues ou encore As It Was de Harry Styles en 2022 et plus récemment l'incroyable Espresso de Sabrina Carpenter datant de l'année dernière. Et chaque été, un nouveau morceau surgit pour prendre le relais. On se demande tous quel titre sera le tube de notre été 2025 et on a hâte de le savoir. Mais la vraie question, c'est pourquoi ces morceaux nous marquent tant ? Et bah, ce n'est pas un hasard si les hits de l'été restent ancrés dans nos mémoires. Ils sont associés à des moments forts, un voyage, une rencontre, une fête entre amis, une liberté retrouvée. Ils condensent en quelques minutes une émotion collective et reviennent ensuite comme une Madeleine de Proust sonore. Même si les modes évoluent, même si les supports changent, on le sait avec YouTube ou TikTok, le principe reste le même, chaque été aura sa bande-son, une chanson ou plusieurs, qui traversera les frontières, unira les générations et survivra parfois bien au-delà de la saison chaude. Alors que vous soyez sur une plage, dans une voiture décapotable ou au boulot avec un ventilateur soufflant sur votre clavier, il y a fort à parier que vous fredonnez déjà le hit de votre été 2025. Donc je vais vous passer mon pronostic du potentiel hit de l'été 2025, Azizam de Ed Sheeran. Merci beaucoup Anaïs pour cette magnifique chronique. Et oui, nous allons enchaîner sur le légendaire Ed Sheeran avec son peut-être tube de l'été. Azizam, say, we can do it our way. And if love's just a game, then come and play. Aziza, meet me on the floor tonight. Show me how to move like the water. In between the dancing lights. Be mine, be mine. Aziza. Aziza. They say we can do it our way, and if love's just a game, then come and play. Aziza. Quel paradis cette musique, n'est-ce pas, mon très cher acolyte ? J'adore, j'adore, franchement, c'est magnifique. Et on continue ? Alors, on continue avec qui ? Eh bien, on va continuer avec ce cher Louis, qui va nous parler de l'incroyable montée de l'AS Nancy-Lorraine. Mais avant, on va se mettre dans l'ambiance avec une célèbre musique de John May. Alors effectivement, je vais vous parler de l'ASNL qui, en ce début de mois de juillet, reprend les entraînements à la Forêt de Haye. C'est une histoire de résilience, de passion et d'une ville qui n'a jamais cessé d'y croire. Aujourd'hui, on revient sur l'incroyable montée de l'ASNL en Ligue 2 à l'issue de cette saison 2024-25. 3 ans après avoir touché le fond avec une descente en nationale, c'est une remontée qui ressemble à une renaissance. Retour en mai 2022. Nancy, bastion historique du football français, est relégué en National 1 après une saison catastrophique en Ligue 2. Une première dans l'histoire du club depuis sa création en 1967. Le choc est immense. Le stade Marcel Picot sonne creux, les supporters sont abasourdis. On parle même d'un possible dépôt de bilan. Mais dans l'ombre, la reconstruction s'organise. Le club, repris par le consortium américain Shealy Partners, entame un vaste chantier. L'objectif est de redonner une âme à cette équipe en écartant les mercenaires, place à un projet cohérent basé sur la jeunesse, la formation et une identité de jeu retrouvée. La saison 2022-23 est celle de la transition. Nancy découvre les dures réalités de la nationale, mais les supporters répondent présents. Un noyau dur se forme autour des jeunes prometteurs formés au club, comme Nael El-Hanaoui, qui performe à Lens depuis, qui a été encadré par des anciens comme Sébastien Puygrenier, revenu au club. Puis vient la saison 23-24. La SNL menée par Pedretti puis Correa échoue aux portes de la montée, terminant 4e, frustré mais grandi. Et c'est cette saison, enfin, 2024-2025, que tout bascule. Un recrutement malin, un collectif soudé, un Marcel Picot redevenu une forteresse, sous les ordres de l'entraîneur historique du club Pablo Correa, qui aura connu cette saison son 600e match sous les couleurs rouge et blanche, la SNL déroule, emballe et impressionne. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Meilleure défense du championnat avec Thiaré et Saint-Ruf, qui font partie de l'équipe type de l'année. Le meilleur entraîneur du championnat. Et surtout, un dernier match d'anthologie face à Nîmes, remporté 1-0 d'un coup franc de Bourriaud dans une ambiance électrique. À l'issue de cette 32e journée, Nancy valide d'abord sa montée en Ligue 2, puis son titre de champion, annoncé par le speaker dans le stade, suite aux résultats des concurrents du Mans et de Boulogne qui sont positifs pour le club. Des festivités dans toute la ville et surtout à la place Stanislas ont été exceptionnelles durant cette soirée et la nuit du 2 mai 2025. Les larmes coulent, les chants résonnent, la ferveur est intacte à Nancy. Merci beaucoup mon très cher Louis. Et oui, franchement, grande émotion et énorme respect à Pablo Correa, l'historique du club qui a sauvé maintes et maintes fois cette NS Nancy Lorraine. Alors merci Pablo et on va se réécouter Music de John Miles. C'était la chronique de Louis. Merci Eliou, merci Louis pour votre intervention et merci Anaïs aussi pour cette belle émission. Moi, je vais continuer avec ma chronique. Je vais vous parler du tourisme responsable. Est-ce que si je vous parle de Sotoavel, ça vous dit quelque chose? Alors, très vaguement, je pense que c'est du tourisme pour sauver les tortues, ce genre de choses, non c'est... Et si cette année, on changeait notre façon de voyager? Pas plus loin, pas plus vite, mais mieux. Bienvenue dans l'univers du slow travel, ou voyage lent. Ce courant trouve ses racines en 1986 quand Carlo Petrini, un journaliste italien, s'oppose à l'ouverture d'un fast-food à Rome. Il crée alors le mouvement Slow Food pour défendre des produits locaux, la cuisine traditionnelle, et surtout le droit de prendre son temps. De cette philosophie naît le slow travel, une manière de voyager qui valorise la lenteur, la rencontre, l'authenticité. Ici, pas de course au monument, pas de checklist à cocher, on prend le train plutôt que l'avion, on dort chez l'habitant, on flâne sur les marchés, on discute avec les gens du coin. C'est aussi une réponse aux défis climatiques. Le tourisme représente 11% des émissions de gaz à effet de serre en France, dont 75% liés au transport. Alors de plus en plus de voyageurs choisissent des alternatives plus douces, le vélo, le train et le séjour local. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour se sentir dépaysé. Les paysages français sont plein de trésors à découvrir à son rythme. Et si voyager, ce n'était pas aller vite, mais aller vrai. Moins d'images parfaites, plus de souvenirs sincères, moins de kilomètres, plus de liens humains. Le slow travel, c'est un luxe simple, celui de prendre le temps. Alors, la prochaine fois que vous planifiez un séjour, oubliez un peu les stories Instagram, posez vos valises, respirez, et laissez-vous surprendre par la magie de la beauté de la nature. Car c'est la nature qui crée la beauté. Car comme le disait Nicolas Bouvier, en route, le mieux, c'est de se perdre. Et on poursuit en musique avec une musique de Desirdes. Voyage, voyage. Devant des Eh oui. Voyage, voyage. Voyager plus loin que le studio de Fadjet. N'est-ce pas, Louis qui sourit? Oui. Pour terminer cette émission, on a des petites questions. Je vais laisser l'honneur à Elio de vous poser ces petites questions. Et oui, aujourd'hui, on va vous demander, cher chroniqueur, de nous parler de vos projets de vacances. Qu'est-ce que vous allez faire pendant vos vacances? Travail? Profiter? Faire la fête? Profiter du soleil? La vida loca! Allez, on va commencer par toi, Anaïs. Alors, bah moi, tous les ans, le même projet, finalement, hein, faire la fête et aller au camping. Sinon, bah, non, j'ai pas de job d'été cette année, c'est peut-être la première année, parce que d'habitude, je travaille tous les ans. Mais je me suis dit qu'à la rentrée, j'étais en alternance, donc je profite un peu de mes dernières vraies vacances en tant qu'étudiante. Après, il n'y aura plus de vacances pareilles, ce sera 5 semaines. Donc voilà. Et toi, mon cher Louis? Eh bah, ben, moi, ça va être du travail associatif et du vrai travail aussi en colonie. Je vais faire 2 semaines de colo avec une amie, ça va être super. Formidable. Je vais être surveillant de baignade. Ah, ça va être génial, surveillant de baignade, waouh, wow. Oh là là, mesdames, tenez-vous bien. Et toi, Montéo, qu'est-ce que tu vas faire pendant tes vacances? Moi, je vais pas faire de la surveillant de baignade, mais même si j'aimerais bien, j'ai pas le corps parfait pour ça, mais je ferais plutôt voyage en Espagne, partir dans un pays latin pour pouvoir aller voir des latinas. Et justement, profiter de la playa. De la vida loca. Ah là là, mon Théo, extraordinaire, merci pour ce fou rire, Théo. Et toi, mon très cher Elio, qu'est-ce que tu vas faire pendant tes vacances? Eh ben écoute, pendant le mois de juillet, je vais travailler pendant 4 semaines, colonie et centre aéré, ça va être super, j'ai hâte de faire ça, qu'en sportif, qu'en vélo, bivouac, ça va être que des choses marrantes. Et puis alors le mois d'août, je ne sais pas, en tout cas pour les 2 premières semaines, j'aimerais bien trouver un travail pour les 2 premières semaines. Et puis sinon, fin août, je vais aller voir les championnats du monde de badminton à Paris. Si ça tiendra à Paris, ça va être quelque chose d'extraordinaire, franchement, avec des Français vraiment au top niveau, franchement. C'est la première fois que dans l'histoire, un Français est rentré dans le top 10 mondial, Alex Lanier, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Bref, en tout cas, j'ai hâte de voir ça, ça va être du grand spectacle à Paris. Ils sont incroyables, tes projets. Et bah, c'est des beaux projets, que des beaux projets que nous réserve notre équipe de chroniqueurs. Et je remercie mon très cher acolyte pour cette co-animation. Avec plaisir, c'était génial, franchement, j'ai adoré. Et on se quitte sur... Bah, sur le petit jingle de Histoire Rado, avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir écouté Histoire Rado et merci à vous tous, chers chroniqueurs, d'avoir été là. À la prochaine. À la prochaine. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir été là. Merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission d'Historia. Prenez soin de vous et à très bientôt !